L'actualité à Nancy et ailleurs. Les 24 et 25 novembre aura lieu la 5e édition du marché des arts créatifs et décalés chez Balthazar à Lunéville. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Yves et bonjour Radio Fagette. On vous a au téléphone aujourd'hui pour nous présenter cette 5e édition de chez Balthazar. Vous faites partie de l'association Bazar des mots qui porte donc ce rendez-vous, c'est bien ça? Oui, l'association Bazar des mots de Lunéville qui existe depuis 2013. Présentez-nous un peu en quelques mots déjà ce marché des arts créatifs et décalés. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir lors de ces deux journées? On accueille 33 exposants artistes plus deux associations qui viennent nous présenter des artistes dans différents domaines, de la peinture, de l'illustration, de la céramique, sculpture, photo, sérigraphie, couture, verre, fleurs, vannerie, bijoux, enfin beaucoup de créations très diverses. On a un comité de sélection, on est plusieurs dans l'association à faire les choix des artistes pour vous présenter ce qui nous a plu, des coups de cœur et des originalités. Chaque fois des artistes différents. Hein. Le samedi, c'est ouvert de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? C'est surtout le lieu, parce qu'avant on accueillait au gymnase de la Barolière, qui actuellement est fermé pour travaux. Donc on est au réservoir, c'est l'ancien centre Erckmann à Lunéville, c'est deux cours de Verdun en face de la piscine. On va être au niveau 2, bon il y a un ascenseur, hein, c'est tout à fait accessible. C'est un vaste espace très beau sur deux niveaux, voilà, je pense que ça va être lumineux, agréable, vraiment un challenge d'utiliser cet espace pour les stands de nos artistes. Donc on est ouvert de 14h à 19h le samedi pour les stands d'artistes et le soir ça se prolonge par des concerts. Hein. Eh bien justement, une partie musicale. Exactement, oui. J'allais y venir justement à ces concerts samedi à partir de 19h30. Donc il y aura la musique qui vient s'inviter lors de ce rendez-vous. Vous pouvez nous dire un peu le contenu de cette soirée samedi soir? 19h30, on a un trio qui s'appelle L'Improbable. C'est une chanteuse, c'est de la chanson française du monde mélangée. Elle chante en français, en italien, des textes de sa composition. C'est rythmé, c'est plaisant. 21h, on accueille Ban Soon Lab, c'est une ambiance cubaine, avec un pianiste, un chanteur et percussionniste, ça risque de mettre bien l'ambiance le samedi soir. Et le dimanche, il y aura aussi de la musique, le dimanche, il y aura aussi un spectacle de marionnettes, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le dimanche, à 14h30, on accueille la clinique des vieux objets, qui va vous montrer avec les marionnettes ce qu'on peut faire de vieux objets, qui retrouvent une nouvelle vie, enfin voilà, c'est la magie du spectacle. C'est toujours au réservoir, c'est dans le même espace d'accueil des stands, qui a un espace dédié au concert. À 16h, on aura Woody, c'est du folk, sur le thème de la nuit et de la lune, un nouveau projet acoustique. Pas d'autres surprises durant le week-end, parce que c'est vraiment varié, il y a différentes animations, déjà la déco, ce sera peut-être sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, mais je vous laisse découvrir quand vous viendrez. On en est à la 5e édition de ce marché des arts créatifs et décalés. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour l'association Bazar des mots, qui est toute jeune aussi, l'association est créée en 2013, c'est assez récent. Oui, oui, l'association s'est créée autour des animations culturelles, voilà, pour but de promouvoir la lecture, l'amour des mots. On a fait des balades contées, des soupes aux contes aussi, enfin différentes animations autour du livre. Et Balthazar, c'est vraiment faire connaître des artistes locaux ou d'un peu plus loin, tous les gens qui veulent s'y associer, quoi, à Lunéville et aux alentours. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée à ce marché des arts? Non, l'entrée est libre et on peut mettre dans une cagnotte si on veut participer aux frais de l'association. Voilà, on travaille en partenariat avec différents organismes aux alentours. On a les écoles qui nous aident, aussi des institutions qui accueillent des personnes handicapées, qui nous aident pour la déco. On a un partenariat avec la communauté de communes, avec la commune de Lunéville, avec le département, pour arriver à réunir tout ce qui nous est nécessaire pour organiser ces deux jours bien animés, bien actifs. Je précise aussi qu'on accueille volontiers les familles parce qu'on a des ateliers d'artistes qui sont ouverts aux adultes, aux enfants, et où on peut faire aussi exprimer sa sensibilité. Voilà, donc on retrouve tout ça bien sûr sur la page Facebook notamment de l'association Bazar des mots. Oui, tout à fait, la page Facebook de Bazar des mots. On a créé un événement et au fur et à mesure des jours, on vous présente les artistes qui vont présenter leur stand cette année. Très bien, un mot de la fin peut-être pour donner encore plus envie aux gens qui nous écoutent de venir à ce marché des arts créatifs et décalés. Eh ben, n'hésitez pas à venir, à en parler autour de vous et à vous laisser surprendre parce qu'il y a quelques petites animations des fois au fil de votre balade qui pourront vous amuser. Merci beaucoup. Notez bien que la 5e édition du marché des arts créatifs est décalée chez Balthazar à Lunéville, vous ouvre ses portes les 24 et 25 novembre, le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h au réservoir de Cours de Verdun. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.